Confession et masque. Aux yeux des spécialistes, je n'ai jamais autant. Je n'ai jamais autant revêtu, diverti. À mes yeux, les regards. Confession d'un masque qui cherche figure, qui attrape les postures du autant aimé, du jamais autant douté. Ça danse là-dedans, ça prend allure de ballerine. Nulle grossièreté ne peut annuler sa légèreté. Confession d'un masque. Qui cherche? Confession d'un masque. Aux yeux des spécialistes, je n'ai jamais autant aimé, je n'ai jamais autant douté.